découverte de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Si jamais vous ne savez pas quoi faire dans les jours à venir, je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Autour de vous, qui traite de l'actualité locale, des manifestations à venir et des artistes à suivre. Aujourd'hui, dans les studios de RGM, je suis avec Nicolas. Nicolas, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, ravi d'être là. Je suis ravie que vous avez accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Nicolas Thomas, je suis un des trois associés du GAEC de la Ferme du Bien-être, qui est une ferme qui produit des plantes aromatiques et médicinales sur la commune de Gérardmer. Ça veut dire quoi, GAEC ? On dit comme ça, GAEC ? Oui, c'est ça, on dit GAEC, ça signifie Groupement Agricole d'Exploitation en Commun. Et ça signifie que je fais pas ce métier tout seul, mais que je suis avec deux autres associés, effectivement. Depuis quand est-ce qu'elle existe, la Ferme du Bien-être ? La ferme existe depuis 2004. Elle a été créée en 2004 par deux associés historiques qui ont maintenant l'âge de la retraite. Et puis successivement, les différents associés ont intégré l'équipe en 2009, en 2012, puis en 2019. Pourquoi l'avoir appelée la ferme du bien-être ? C'est un terme qui est assez générique. C'est vrai que quand on parle de plantes aromatiques et médicinales, c'est presque tombé sous le sens. On travaille dans ce qu'on appelle le bien-être de manière générale. Comment vous est venue l'idée de construire un établissement spécialisé dans la fabrication de produits locaux bio ? Alors, je crois que c'est vraiment... déjà, les plantes médicinales, dans les Vosges, il y a toujours eu une tradition des plantes aromatiques et médicinales, parce qu'on a la chance de pouvoir en trouver. Je pense à l'arnica, par exemple, qu'on trouve sur les Hauts-de-Chaumes. C'était faire lien un petit peu et perpétuer une tradition. Pourquoi en bio ? Parce que ça nous semblait inconcevable de travailler dans le bien-être, justement, et puis de faire autrement qu'en étant en agriculture bio. Et puis local, parce que moi, je suis vosgien et je suis très fier de pouvoir... justement, travailler avec le matériel, avec notre propre pharmacopée, avec ce qui pousse autour de chez nous et de les mettre en valeur. C'est quoi la différence entre des produits locaux bio et qui ne sont pas bio ? En fait, les produits locaux bio respectent le cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc la règle de base, c'est qu'on s'interdit toute utilisation de produits chimiques, que ce soit comme fertilisant pour faire pousser les plantes, comme désherbant, donc pour éviter d'avoir des mauvaises herbes, grosso modo, ou pour lutter contre les champignons et autres. Donc pas de produits chimiques chez nous, et une grosse partie du travail est réalisée à la main. Vous fabriquez des huiles essentielles, comment vous y prenez pour les faire ? Alors la fabrication des huiles essentielles est assez spécifique, on utilise un alambic. Alors souvent le terme évoque pour beaucoup d'entre nous la distillation du fruit pour la fabrication d'alcool. Mmh. Alors nous, notre alambic, malheureusement, on ne peut pas fabriquer d'alcool. Je dis malheureusement parce que ça pourrait être aussi un dérivé. Par contre, on utilise une technologie qui s'appelle la distillation par vapeur d'eau. En fait, on injecte de la vapeur au travers des plantes à distiller. Mmh. La vapeur se charge en huile essentielle et puis après on refroidit cette vapeur chargée en huile essentielle et on a obtenu de ce fait l'huile essentielle et un autre coproduit de la distillation qu'on peut appeler les eaux florales ou les hydrolats. Est-ce que vous faites des essais avant de mélanger différentes huiles ou pas ? Alors on en mélange assez peu. La réalité, c'est que chez nous, l'idée, c'est de vendre une huile essentielle par plante. Donc par exemple, notre spécialité, c'est l'huile essentielle de sapin. Donc l'idée, c'est de vendre l'huile essentielle de sapin et pas forcément de la mélanger. On se permet un seul mélange qu'on appelle le mélange fort et vosgienne. Le nom est évocateur. Et dans ce mélange forêt vosgienne, on retrouve 4 essences, 4 huiles essentielles de résineux, le sapin pectiné, le sapin des Vosges, le pin sylvestre, le sapin douglas, et il m'en manque un, l'épicéa commun. Voilà. Donc c'est le seul mélange qu'on s'autorise, sinon toutes les autres sont vendues en plantes seules. Comment est-ce que vous choisissez les parfums de vos huiles essentielles ? Alors l'idée, c'est, comme je disais dans la présentation, d'utiliser le matériel végétal qui pousse autour de chez nous. C'est pas d'aller à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde pour chercher des plantes, mais bien de mettre en valeur, de valoriser notre patrimoine végétal. Donc typiquement, toutes les essences de résineux possèdent des huiles essentielles. La plante en contient naturellement. Et voilà, du coup, on s'oriente principalement vers les huiles essentielles de résineux. Puis après, vers quelques autres plantes de culture. Et on est dans les Vosges et du coup, on est aussi limité par le climat, par les gelées, etc. Donc, on ne peut pas cultiver n'importe quoi. Donc, nous, en culture, par exemple, on a 3 variétés de menthe différentes, la menthe poivrée, la menthe bergamote, la menthe douce. Voilà, c'est plutôt le climat, la situation géographique qui oriente nos choix pour les cultures et du coup, pour les huiles essentielles qui en découlent. Vous parliez de la menthe poivrée juste avant. Alors, est-ce que c'est vrai que certaines huiles essentielles ont des bienfaits sur notre santé, comme l'orange douce aussi ? Oui, tout à fait. Ça, alors, l'utilisation des huiles essentielles, on la connaît depuis très très longtemps, hein, je crois depuis moins 5000 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, on n'a Ah pas inventé le fil à couper le beurre, comme on dit par chez nous. Mais il est vrai que certains grands spécialistes ont trouvé des propriétés thérapeutiques aux huiles essentielles. Alors, c'est pas notre métier, hein, nous on produit, mais tout à fait. Voilà, il y a d'ailleurs un courant qui s'appelle l'aromathérapie. C'est donc l'utilisation des huiles essentielles pour se soigner. Quelle huile essentielle conseilleriez-vous à une personne qui est anxieuse ou une personne qui a des problèmes de digestion, par exemple? Alors, pour tout de suite poser les choses, hein, c'est vrai que nous, notre métier, c'est de produire. Donc, on prend toujours un certain écart vis-à-vis du conseil. C'est pas notre métier. Pour autant, traditionnellement, on trouve quelques éléments. Pour l'anxiété, par exemple, en huile essentielle, traditionnellement, on a souvent utilisé la lavande, l'huile essentielle de lavande. Alors c'est pareil, ça fait sourire, parce qu'on pourrait se dire la lavande, c'est pas tout à fait une huile essentielle ou une plante des Vosges, mais il se trouve qu'on arrive à en cultiver dans les Vosges. Il y en a d'autres, la camomille romaine par exemple pourrait être utilisée traditionnellement contre l'anxiété. Et puis la deuxième chose, c'est problème digestif, je crois, vous m'avez Voilà, dit. c'est ça. Eh ben voilà, par exemple l'amande poivrée traditionnellement a toujours été utilisée pour favoriser la digestion. Alors, est-ce que les plantes peuvent soigner que certaines pathologies, comme le psoriasis, par exemple? Alors, on arrive à trouver dans la littérature, et c'est vrai que certains thérapeutes pourront orienter leur patientèle vers les huiles essentielles. Et les pathologies de peau, c'est vrai qu'on arrive à trouver, donc pareil, hein, avec avis d'un spécialiste, on arrive à trouver certains usages intéressants des huiles essentielles. Est-ce qu'il existe des effets secondaires? Alors oui, par contre, la précaution à prendre, c'est clair que les huiles essentielles ne sont pas des produits anodins. On entend souvent c'est naturel, il n'y a pas de risque. Bien au contraire, je pense qu'il faut vraiment être vigilant avec l'usage des huiles essentielles. Donc renseignez-vous avant de les utiliser, mais de manière générale, les femmes enceintes, les mamans qui allaitent, les enfants en bas âge, les personnes qui ont des pathologies, qui sont sous traitement médicamenteux, ne peuvent pas utiliser les huiles essentielles, parce qu'on méconnaît les interactions pour avoir les huiles essentielles avec les médicaments. Pour autant, bien renseigné, quand on est en forme et plutôt adulte, oui, on peut utiliser les huiles essentielles. Mais renseignez-vous, moi le conseil vraiment de base, c'est parlez-en éventuellement à votre médecin, trouvez de la littérature sur le sujet ou sur Internet aussi. Bah, je sais que moi, par exemple, je suis épileptique, je peux pas prendre d'eucalyptus. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a des contre-indications majeures. L'amande poivrée, je crois, peut être épileptisante, l'eucalyptus également. Donc, d'où l'intérêt vraiment d'avoir en amont de bons renseignements. Est-ce que la durée d'un traitement aux huiles essentielles est plus courte qu'avec des traitements médicamenteux? Alors ça, c'est pareil, c'est une question très en lien avec la pathologie, et une fois de plus, ce n'est pas notre métier. Il faudrait vraiment poser la question à des spécialistes, hein, des pharmaciens diplômés en phytothérapie, etc. Moi, je n'aurais pas vraiment de réponse à vous apporter sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut utiliser des huiles essentielles? Est-ce qu'on peut les prendre par voie orale, on peut les cuisiner ou les prendre pour prendre un bain, par exemple? Alors effectivement, hein, on cite souvent les huiles essentielles comme des produits à usage multiple, ce qui signifie que on peut les diffuser. Tout le monde connaît les petits diffuseurs qu'on trouve aujourd'hui électriques. Donc l'idée, c'est souvent pour parfumer une atmosphère. Donc ça, c'est la diffusion. On peut, dans certains cas, ingérer les huiles essentielles pour certaines pathologies, etc. Toujours avec un support, on n'ingère jamais pur les huiles essentielles. Et puis évidemment, il faut demander conseil au médecin. On peut appliquer les huiles essentielles sur la peau, donc là je parle de l'usage externe. Donc jamais pur également, toujours avec une huile végétale de base. Voilà, donc ça fait déjà trois utilisations. Vous me parliez éventuellement d'en mettre dans le bain. Alors il se trouve que l'huile essentielle ne se mélange pas à l'eau. Donc le D'accord. mélange huile essentielle et eau ne se fait pas bien, donc jamais d'huile essentielle pure dans le bain. Pour ça, je vous invite plutôt à utiliser des sels de bain ou des produits qui sont déjà conçus pour vraiment mélanger l'huile essentielle à l'eau du bain. Justement, on parlait de menthe poivrée ou d'eucalyptus. Est-ce que dans un diffuseur d'huile essentielle, ça peut nous aider à mieux respirer quand on a la grippe? Oui, c'est vrai que la partie diffusion, moi j'évoquais surtout l'idée de parfumer une atmosphère, mais évidemment le fait de diffuser, bah vous allez, comme son nom l'indique, diffuser des gouttelettes, des micro-gouttelettes d'huile essentielle dans l'atmosphère. Et de ce fait, vous pouvez les inhaler, vous allez les inhaler. Et typiquement, bah, ça va toucher la sphère respiratoire en premier lieu, puisque vous les inhalez. Et effectivement, sur certains petits troubles respiratoires, une fois de plus, hein, il ne s'agit pas de troubles majeurs, etc., bah, on peut favoriser une meilleure respiration, j'ai envie de dire. J'avais lu quelque part, quand on a un diffuseur d'huile essentielle, il ne faut pas le faire tourner toute la nuit, parce que ça peut provoquer des migraines. Oui, c'est vrai. On a souvent ce témoignage-là à la ferme de personnes qui diffusent toute la journée dans la pièce dans laquelle ils se trouvent, etc. De manière générale, ce qu'on trouve dans la littérature par rapport aux conseils, c'est jamais plus d'un quart d'heure de diffusion, même par jour. Donc contentez-vous d'une courte période de diffusion. Voilà, ce sera déjà très bien. Imaginez que vous saturez à chaque fois l'atmosphère en huile essentielle. Mmh. Donc attention. Vous parliez d'aromathérapie, c'est quoi exactement en fait ? Ben, l'aromathérapie, c'est vraiment, y a ce qu'on appelle l'école française d'aromathérapie, dont deux grands noms, le docteur Franchomme et le docteur Penuel, qui ont vraiment réfléchi à l'usage de l'huile essentielle dans le soin. Hein, moi, je parle de bien-être, vous avez bien compris, je le répète, mais parce que ça nous tient à cœur, hein, qu'on fasse bien la distinction. Nous, on est producteurs, mais il y a des thérapeutes qui utilisent les huiles essentielles sur certaines pathologies très particulières, et avec derrière toute la recherche qui a été menée, justement, pour les utiliser efficacement. Et vous faites quoi comme parfum d'huile essentielle ? Alors nous, on a une assez large gamme d'huiles essentielles. J'ai déjà évoqué tous les résineux qui poussent dans la forêt vosgienne, le sapin pectiné, le pin sylvestre, le sapin douglas, le mélèze, le genévrier. Enfin, vraiment toutes les essences qu'on peut trouver dans la forêt. Et puis toutes ces plantes issues de cultures. Alors je voudrais bien vous les citer toutes, mais j'ai peur d'en oublier. Donc trois variétés de menthe en culture, la camomille romaine, le lavandin, la lavande fine, la sarriette, la sauge sclarée, le serpolet, et j'en oublie sans doute. Et c'est des bouteilles de combien de centilitres à peu près ? Alors les huiles essentielles de manière générale sont conditionnées dans des petits flacons. On ne trouve jamais l'huile essentielle au litre, en tout cas pas chez les producteurs. Mmh. Pour une raison qui est évidente, c'est que le rendement à la distillation est assez faible. Pour vous donner une idée, pour 400 kg de matière de sapin distillée, frais, on va obtenir à peu près 1,5 litre d'huile essentielle. Ah oui. Donc vous voyez, il y a un rapport. Ça nous donne déjà un bon indice sur l'aspect concentré du produit. Hein, je parlais tout à l'heure des potentiels risques, etc. Bah, c'est un produit qui est très concentré. Et de manière générale, nous, on commercialise dans des flacons de 3, 5, 10 et 20 millilitres. Donc vous voyez, d'accord, des petits flacons avec en plus un goûteur, puisque les huiles essentielles s'utilisent toujours à la goutte. Mm-hmm. Il n'est jamais question d'utiliser une cuillère à soupe ou je ne sais quel autre contenant, si vous voulez. Bah, je sais que dans les diffuseurs, ils préconisent de minimum 5 gouttes. Alors voilà, dans le diffuseur, étant donné que ce n'est pas une application directe sur le corps, on peut utiliser quelques gouttes dans le diffuseur, tout à fait. Et dans la cuisine, par exemple ? Alors, dans la cuisine, ça se fait aussi. Je suis un bien mauvais cuisinier, du coup, je n'ai pas beaucoup d'exemples à vous donner, mais je sais néanmoins que certains chefs du secteur ont déjà utilisé et utilisent les huiles essentielles. Alors ça, c'est vraiment, il faut vraiment tester avant, parce que, comme je le disais précédemment, c'est très concentré. Donc, il suffit d'une goutte de trop pour que, je ne sais pas, l'arôme sapin que vous allez mettre dans votre crème brûlée ou dans vos biscuits ne soit plus agréable, mais devienne au contraire trop important. Donc, vraiment à vous d'y aller à la goutte et puis tester vraiment votre petite recette avant de pouvoir la servir aux invités, parce qu'on peut vite déchanter. J'avoue que j'ai acheté une huile de coco sur Internet. À la base, c'était pour mettre sur mes tatouages, parce qu'à ce qui paraît, c'est bien pour entretenir la tenue du tatouage, mais ça peut aussi servir pour les cheveux, etc., et mettre dans la cuisine. Mais j'avoue que j'ai pas très envie de tester, parce que j'ai un peu peur du résultat. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser l'huile de coco, ce sont des huiles plutôt exotiques, mais dans plein de régions du monde, la matière grasse dominante, je pense à la Polynésie par exemple, c'est la coco. Et du coup, on sait cuisiner avec la coco. C'est pareil, il faut tester, mais d'abord chez soi en petit comité, avant d'avoir des amis à la maison. Après, le parfum coco est assez prononcé, je trouve, quand même. Oui, c'est vrai. Donc, ça ne s'accommode pas avec tout. C'est vrai que on peut... Et puis, nous, dans les Vosges ou en France, de manière générale, on l'associe plutôt à des saveurs sucrées qu'à des saveurs salées. Or, je crois qu'il y a vraiment des choses à faire aussi avec la coco salée. Mais ce n'est pas mon domaine de prédilection. Hein. Vous l'aurez compris, moi, je suis plus dans les sapins. Moi non plus, je ne suis pas du tout bonne cuisinière, du tout. Alors, nous allons faire une première pause musicale avant de continuer de parler de la ferme du bien-être. A tout de suite sur Radio Gémozo. passion, 'cause it gives me sweet inspiration. And to tell you, I never felt this way before. I know there is some way today. Love your brothers, ooh, yeah. Love your sisters. And to tell you, I must admit, you've got me thinking. You've got me thinking. There were times I thought that I was sinking. I was sinking. But I'll always want to be in that position where I can see more clearly, where I can see more clearly. I must admit that you got me thinking, you got me thinking. There were times I thought that I was sinking, I was sinking. But I'll always want to be in that position where I can see more clearly. Yeah, clearly. Love your brothers, my friend. Love your sisters. Love your brothers, love your sisters. Ooh, yeah. Love your sisters. Nous sommes de retour avec Nicolas pour vous parler de la ferme du bien-être. Alors, elle se trouve où, la ferme du bien-être ? La ferme du bien-être se trouve au Béillard, exactement, hein, sur la route entre Le Tolly et Gérardmer. On la trouve assez facilement, il y a des panneaux en bord de route, etc. Alors, on parlait hors antenne de branches de sapin. Alors, c'est quoi cette histoire ? Oui, alors, c'est vrai qu'on a évoqué l'huile essentielle. J'ai largement parlé des huiles essentielles de résineux. Et tous les hivers, notre défi va être de trouver des branches de sapin, notamment le sapin pectiné, pour fabriquer des huiles essentielles. Et je profite justement du passage à l'antenne pour lancer un appel à tous les propriétaires forestiers ou autres. Si vous avez des coupes de sapin avec des belles branches de sapin, bah, n'hésitez pas à appeler la ferme du bien-être. On trouve facilement les coordonnées sur le site ou sur Internet. Voilà, on est toujours à la recherche de branches de sapin tout l'hiver. Donc n'hésitez pas. D'accord, bah, l'appel est passé via cette antenne. J'espère que vous Merci. Aurez des retours. Alors, en plus des huiles essentielles, vous produisez des tisanes. Alors moi, j'aurais une question. C'est quoi la différence entre du thé, une tisane et une infusion ? Alors, le thé, traditionnellement en France, c'est constitué du thé. C'est une espèce botanique, le théier, l'arbre à thé, si vous voulez. L'infusion et la tisane, c'est en général soit un mélange de plantes, soit des plantes pures. Et l'infusion, c'est vraiment le procédé qu'on utilise pour extraire les principes actifs de la plante. Et ça consiste à mettre les plantes dans une eau qui a été chauffée au préalable et à laisser infuser. Donc c'est la durée, c'est le temps pendant lequel les plantes se trouvent dans l'eau. Et c'est ça qui permet d'extraire les principes actifs. En général, c'est 5 à 10 minutes. Puis un autre terme qu'on trouve parfois, c'est le terme de décoction. Et le terme de décoction, bah, c'est une infusion un peu plus longue et on fait bouillir la matière en fait, pour aller chercher d'autres principes actifs. Donc nous, en l'occurrence, c'est surtout l'infusion, la tisane et l'infusion qui nous concernent à la ferme du bien-être. D'accord. Alors, comment est-ce que vous créez vos tisanes ? Alors déjà, à la ferme, on peut trouver toutes les plantes conditionnées de façon individuelle. Donc, par exemple, la menthe poivrée qu'on a déjà évoquée. Mm-hmm. Donc, la tisane de menthe poivrée, la tisane de bourgeon de pin, etc. Et puis, on fait quelques mélanges également. Je pourrais citer le mélange, la tisane des montagnes. C'est le mélange que je préfère dans notre gamme. Donc, on essaye toujours d'avoir des propriétés communes. Par exemple, le mélange des montagnes est plutôt un mélange respiratoire, un bon mélange pour les petites bronchites et les petits encombrements respiratoires de l'hiver. Et on essaye donc, comme je le disais, de coupler des petites propriétés, d'avoir un aspect esthétique aussi. C'est important pour nous de mettre en valeur la plante. Donc on essaye toujours d'associer une fleur aux feuilles pour avoir vraiment un beau mélange visuel. Voilà. Et puis on essaye aussi d'associer les arômes, évidemment. C'est important aussi de ne pas avoir des arômes contradictoires. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on réalise nos tisanes. Est-ce qu'il faut un savoir-faire particulier pour créer de la tisane à la ferme du bien-être ? Bah, je pense que c'est l'expérience qui nous permet d'avoir la connaissance de ce qui peut s'associer, ce qu'on peut trouver en quantité importante aussi. Il y a ça, hein, il y a la ressource, est-ce qu'elle est disponible en quantité suffisante pour pouvoir vendre toute l'année ce mélange de tisane ? Donc tous ces éléments rentrent en compte et je vous dis, c'est vraiment l'expérience. L'expérience est dans le secteur particulièrement. Voilà, je pense qu'on ne conçoit pas les mêmes tisanes dans le sud de la France que dans les Hauts-de-Vosges, par exemple. Donc en fait, il faudrait être issu du milieu agricole pour travailler à la ferme du bien-être ? Oui, c'est plutôt les prérequis indispensables. Je pense que les trois associés sont issus du milieu agricole, nos salariés aussi, parce que j'en ai pas parlé, mais on a aussi quatre salariés qui travaillent avec nous. Et c'est vraiment l'entrée pour être producteur de plantes aromatiques et médicinales. C'est vraiment le cursus agricole qui est requis. D'ailleurs, notre statut est un statut d'agriculteur. D'accord. Alors, quelles plantes est-ce que vous utilisez pour vos tisanes, par exemple ? Alors, c'est pareil, il y a une vaste gamme de plantes. Je crois qu'on doit travailler une soixantaine de plantes différentes à la ferme. Ah oui ? Ah, c'est pour ça que je ne les ai pas toutes à l'esprit comme ça. Je crois qu'une trentaine de plantes nous provient de ce qu'on appelle la cueillette sauvage, donc du milieu naturel. Elles sont prélevées en forêt, en prairie, etc. Et puis, 30 autres variétés sont issues de nos cultures. Et j'ai déjà évoqué les menthes, donc trois variétés de menthes. Grosso modo, les plantes que vous trouvez en huile essentielle, bah vous les retrouvez aussi dans les tisanes. D'ailleurs, on cultive la menthe et pour l'huile essentielle et pour la tisane, si vous voulez. Donc les menthes, le bouillon blanc, la monarde aussi, qui était une plante un peu plus méconnue, qui pousse très bien chez nous, qui est une jolie fleur vivace, qui est originaire d'Amérique du Nord, qui a une belle couleur rouge. Voilà, bah on l'intègre dans nos tisanes. Il y a la fleur de mauve également, qu'on récolte tout l'été, qui a une belle couleur, justement, mauve, comme son nom l'indique. Voilà, toutes ces plantes, la camomille, le thym, la sarriette, etc. Alors, quelles sont les contenances de vos sachets de tisane ? Il y a quoi dedans ? Dans nos sachets de tisane, les mélanges que nous proposons sont en 40 grammes en général. Et puis, suivant la densité des plantes, il y a des plantes qui sont très lourdes. Je pense par exemple à une récolte qu'on a réalisée très récemment, c'est le cynorhodon, le fruit du rosier sauvage. Vous savez, ce fruit qu'on appelle traditionnellement le gratte-cul dans les Vosges. Ça va parler peut-être à plus de monde. Eh bien, ce fruit-là est un fruit assez lourd, donc je crois que les sachets sont des sachets de peut-être au-delà de 40 grammes, vous voyez, parce que ça pèse beaucoup. Mais voilà, de manière générale, c'est entre 30 ou 40 grammes le conditionnement des plantes à tisane. Pourquoi 40 grammes ou 30 grammes et pas plus ou moins du coup ? Il s'agit de trouver les conditionnements qui correspondent, puisque tout ça est mis en vente, on travaille beaucoup en vente directe, nous, tout est mis en vente dans le magasin, donc il ne faut pas des conditionnements trop gros, sinon ça demande beaucoup de place. Et puis c'est une sorte de norme, je pense que chez les producteurs de plantes, c'est quelque chose d'assez constant de retrouver ces sachets de 20, 30 ou 40 grammes. Et en même temps, ça correspond aussi peut-être à l'utilisation pour une petite cure, une petite séance détox. Vous voyez ce que je veux dire ? En général, on utilise ça pendant une semaine, deux, trois grand maximum. Puis après, normalement, on arrête pour reprendre autre chose. Donc ça correspond pas mal à tout ça, ce conditionnement. Quelle tisane conseilleriez-vous à une personne qui a du mal à trouver le sommeil ? Alors, on a deux mélanges qui sont sympas. On a un mélange qui s'appelle la tisane détente. Donc, comme son nom l'indique, c'est plutôt un mélange citronné avec de la verveine, de la mélisse, plutôt des plantes calmantes pour le coup. Et puis, on a un autre mélange qui est pour le coup très classique, qui s'appelle la tisane du soir et qui est composé notamment de tilleul et de mélisse. Et voilà, traditionnellement, on a toujours utilisé le tilleul pour favoriser le sommeil. Donc moi, j'orienterais plutôt vers ces deux mélanges. D'accord. Et c'est quoi la valériane ? Alors la valériane, c'est une plante, Valeriana officinalis, c'est son petit nom botanique, et on utilise surtout la racine, en fait, pareil, qui a des propriétés calmantes. Alors, à la ferme, malheureusement, nous ne faisons pas de récolte de valériane. Mm-hmm. On en a dans notre jardin, parce qu'on a un petit jardin pédagogique et tout, c'est une plante qu'on connaît très bien, mais voilà, on a fait le choix de ne pas l'avoir dans notre gamme. C'est une plante qui est un peu plus puissante, mm-hmm. et je ne sais pas d'ailleurs si elle n'est pas sous le monopole de la pharmacie. En France, on a une réalité mm-hmm. Réglementaire qui nous permet de travailler, nous, avec une liste de 148 plantes qui est définie au niveau national. Ces plantes sont hors monopole pharmaceutique, donc libres de commercialisation, et toutes les autres plantes sont sous le monopole de la pharmacie, donc on ne pourrait pas les commercialiser librement. Et c'est peut-être le cas typiquement de la valériane. Est-ce que du coup la réglisse et l'anis aussi, ça en fait partie ou pas? Parce que je sais que ça a des bienfaits pour la digestion avec d'autres mélanges d'autres plantes justement. Alors l'anis, sous le terme d'anis, il y a plusieurs variétés. Souvent on pense à la badiane qui est plutôt l'anis étoilé, donc qui est une graine exotique. Je ne sais pas. Voilà, comme elles font pas partie de notre pharmacopée, je saurais pas. J'aurais peur de vous raconter une bêtise. Donc je m'abstiens sur la question là. D'accord. Alors, est-ce qu'une tisane spéciale minceur est plus efficace qu'une ampoule achetée en pharmacie, par exemple ? C'est pareil, on peut considérer que je manque d'objectivité. Je ne vends pas des ampoules et je vends des tisanes. Donc, mm-hmm. Voilà, c'est deux choses différentes. Après, je pense qu'en phytothérapie, quand on est producteur de plantes, on aime bien être le plus simple possible. Donc, nous, les plantes qu'on vend en tisane, elles ont subi qu'une seule transformation, qui est le séchage. Et entre la récolte et le séchage, il y a très peu de délai, entre le séchage et le conditionnement également. Donc voilà, pour nous, on est toujours plus garant, si vous voulez, d'une fraîcheur de produit et d'une concentration en principe actif. La gélule, je ne sais pas comment elles sont fabriquées, donc voilà, mm-hmm. je n'ai pas d'avis sur la question. Mais il est clair, pour nous, on mettra en avant les tisanes, évidemment. Alors justement, vous faites une tisane spéciale minceur, il y a quoi dedans ? Alors c'est pareil, c'est un nom très générique et c'est plutôt un mélange de plantes drainantes, diurétiques, qui permettent d'éliminer. On retrouve une plante qui est intéressante parce qu'elle est très emblématique du secteur aussi, c'est la fleur de bruyère, qui pousse typiquement dans nos sols très acides vosgiens. On retrouve la reine des prés qui est souvent également associée à la fleur de bruyère, et puis la feuille de cassis également. Donc trois plantes vraiment qui permettent d'éliminer, d'où ce nom. Un peu ce terme un peu générique de tisane minceur. Alors, est-ce que le fait de boire une tisane, c'est plus facile pour faire un drainage, par exemple ? Alors, moi, je pense aussi, après, c'est pareil, je ne suis pas un grand spécialiste de la question du drainage. D'ailleurs, je connais assez peu d'autres méthodes. Mm-hmm. Voilà, donc oui, moi, je trouve que c'est facile. Se concocter une petite tisane, en soi, ça n'a rien de compliqué. Il suffit juste de trouver le producteur qui a les bonnes plantes, ça c'est, c'est peut-être le défi, mais moi je pense que c'est assez facile à réaliser et pratique, quoi. Alors est-ce que c'est vrai qu'en cas de forte chaleur, c'est mieux de boire une boisson chaude plutôt qu'une boisson fraîche ? Ah, il semblerait, oui, c'est vrai. D'ailleurs on peut prendre exemple sur les peuples du désert. Assez rarement, je pense, ils boivent de l'eau fraîche, ils boivent plutôt de l'eau très chaude. Je pense au thé chez les Berbères ou les peuples du désert. Et je pense que ça a vraiment un sens, effectivement, oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez, si on sucre trop la tisane dans une tasse, ça peut enlever le goût de la tisane elle-même ? Alors ça, c'est vraiment une question de goût, hein, j'ai envie de dire. Mm-hmm. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Personnellement, j'ai une petite attirance pour le sucre, comme beaucoup d'entre nous, parce qu'on a été élevés avec le sucre un peu partout. Néanmoins, c'est sûr que si vous voulez découvrir la pureté en termes d'arôme d'une plante, il est toujours préférable de la consommer avant d'avoir sucré pour vraiment avoir la quintessence, la pureté de la plante, si vous voulez. Et le sucre peut venir après. Mais oui, c'est sûr, si vous voulez ressentir vraiment tous ces arômes, c'est sans sucre. D'accord. Alors, vous parliez justement tout à l'heure de la tisane des montagnes. C'est quoi, en fait ? La tisane des montagnes, c'est un mélange qui existe depuis la création et duquel on est très fier. Et on l'appelle tisane des montagnes parce que, pour moi, elle a vraiment l'arôme de notre forêt. On a tous en tête cette expérience olfactive de la forêt vosgienne. Soit en été, quand il fait très chaud, on a certaines vapeurs de sapin, d'huile essentielle justement qui se dégagent, etc. Et elle est composée de feuilles de ronce. Mm-hmm. Alors ça, c'est curieux. En général, les gens disent « Ah bon, la feuille de ronce ?» Alors c'est une plante qu'on trouve partout, qui a très bonnes propriétés astringentes, etc. On a la fleur de mauve qu'on cultive. On a la petite prime verte qu'on appelle traditionnellement le coucou, qu'on trouve dans les prairies, une jolie petite prime verte très jaune. On a le lierre terrestre. Alors souvent, on confond le lierre terrestre avec le lierre qui grimpe dans les arbres. Mm-hmm. Ce sont deux plantes vraiment différentes. Le bourgeon de pin également, qui va donner vraiment la touche boisée de la tisane. Et également le bourgeon de sapin. On associe les deux. Voilà, donc moi, c'est ma favorite. Parce que je suis un peu chauvin, peut-être. Alors, il y a un produit qui est très utilisé dans les Vosges, c'est l'ail des ours. Est-ce que vous en utilisez ? Oui, ça fait vraiment partie de notre gamme. On en récolte des quantités assez importantes et on la transforme de plein de manières différentes. Hein. L'ail des ours, elle pousse très tôt au printemps. On commence à la récolter au mois de mars et puis ça s'échelonne jusque la mi-avril, quelque chose comme ça. Et la plante peut être utilisée fraîche, haché menu, mis dans l'huile d'olive pour réaliser ce qu'on appelle le pesto. Mm-hmm. On connaît bien le pesto de basilic, mais on peut faire le pesto à l'ail des ours, donc ça on le trouve à la ferme. On peut faire des huiles, une huile à l'ail des ours, des vinaigres à l'ail des ours, on peut la sécher, la réduire en poudre. D'ailleurs, on a un partenariat avec un certain nombre de producteurs de fromage ou de charcuterie, mm-hmm. Qui l'intègrent dans leur préparation pour apporter l'arôme à l'ail des ours. Donc oui, chez les fromagers locaux, chez les charcutiers locaux, on a vraiment pas mal d'échanges vis-à-vis de cette plante. Justement, ça fait partie d'un de mes des fromages préférés, en plus de celui des orties. Je ne sais pas du tout si le fromage aux orties est vosgien, mais c'est très bon aussi. Oui. Bah, c'est vrai que c'est une façon, de, pour les fromagers locaux, hein, vraiment de présenter un fromage un peu plus travaillé, justement en apportant des arômes au-delà du fromage pur. Et effectivement, l'ortie fait partie aussi des éléments qui poussent. On a tous un coin d'ortie dans son jardin ou au fond de chez soi ou en forêt. Et évidemment, elle est aussi largement associée à un certain nombre d'aliments transformés, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec des orties ? Je suppose qu'on peut faire plein de choses. Oui, mais l'ortie, c'est pareil. Hein. Ça a longtemps été celle qu'on essayait d'éradiquer justement dans le fond de son jardin, parce que quand elle est implantée, elle a tendance à s'y développer. Et puis petit à petit, on est un peu revenu quand même hein, sur ses utilisations. Déjà, elle peut être utilisée, vous savez, on parle souvent du purin d'ortie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non. On fait macérer les feuilles d'ortie dans l'eau un certain nombre de jours. On trouve toutes ces recettes, évidemment, sur Internet. Et on les utilise dans le jardin. On peut arroser ces plantes avec le purin d'ortie. C'est un bon stimulant. C'est vraiment utilisé, notamment en agriculture biologique, hein, pour stimuler les cultures, etc. Elle peut évidemment se sécher et être utilisée en tisane pour ses propriétés diurétiques par exemple. Elle peut être utilisée en soupe, la soupe d'ortie. Moi, je me souviens, ma grand-mère en faisait et aujourd'hui, j'en sers à mes enfants et bien préparée, c'est pareil, ça peut être excellent. Donc elle est alimentaire, elle peut être utilisée dans le jardin, elle est médicinale. Elle a vraiment tout un tas d'usages qu'on redécouvre aujourd'hui avec plaisir justement. Auditeurs et auditrices de RGM, je vous propose de rester avec nous. Nous continuerons de parler des autres produits de la ferme du bien-être après ces deux pauses musicales. A tout de suite sur Radio Gémozo. Thank you. feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Flat on my feet. How, how, how, how. Walk that walk and talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. Now, baby. Nous revoilà avec Nicolas sur les ondes de Radio Gémozo via le 107 et par les applications Orange Radio et Radio Line. Vous pouvez également nous suivre via la plateforme Deezer. Alors Nicolas, c'est quoi des hydrolats ? Alors l'hydrolat, c'est un coproduit de la distillation. Quand on distille, on obtient les huiles essentielles d'une part et la vapeur d'eau qui a permis la distillation, quand elle est condensée à la fin du cycle, eh bien ça devient l'hydrolat. L'hydrolat, on l'appelle aussi l'eau florale. Et pour citer quelques eaux florales connues, on parle souvent de l'eau de fleur d'oranger qui est utilisée dans la pâtisserie par exemple. Eh bien, l'eau de fleur d'oranger, c'est un hydrolat. La fleur d'oranger, c'est aussi utilisé dans les tisanes, non ? Oui, oui, tout à fait. Oui, la fleur d'oranger dans les tisanes, en huile essentielle, en hydrolat, on la trouve sous toutes les formes. Pas la ferme du bien-être parce que même si le temps change, il fait encore trop froid pour cultiver des orangers. À quoi elles servent les boissons aux plantes ? Est-ce qu'elles sont bonnes pour notre santé ? Oui, alors ce qu'on appelle boissons aux plantes chez nous, ce sont justement des mélanges d'hydrolats. Donc là, on a pareil, en fonction de leurs propriétés, de leur arôme, on a compilé différents hydrolats et on en a fait des boissons aux plantes. Donc assez, c'est à peu près le même usage que les tisanes, si vous voulez. Sauf qu'au lieu de faire l'infusion, bah là, on met 2 cuillères à café dans un verre d'eau, chaude ou froide, sans avoir toute la petite préparation qu'il y a en amont. Et voilà, le tour est joué. Elle peut se consommer comment ? Est-ce que c'est forcément à froid ou on peut la faire chauffer, comme vous disiez ? On peut faire chauffer, tout à fait. Il n'y a pas de, risque particulier. C'est vraiment à chaud, à froid et très pratique. Hein. On a le petit flacon, on peut l'avoir dans son sac. Hop, on en met l'équivalent de 2 cuillères à café dans un verre d'eau et le tour est joué. Donc c'est très simple d'utilisation. Alors combien de temps ça se conserve une boisson aux plantes ? Alors, le souci des boissons aux plantes et des hydrolats de manière générale, c'est que c'est une eau distillée. Et du coup, ça présente quelques risques pour la conservation. Donc déjà, les bonnes conditions de conservation, c'est au frigo, après ouverture. Tant que le flacon n'est pas ouvert, pas de risque. Par contre, après ouverture, au frigo. Et en général, au frigo, on peut la conserver 3-4 mois peut-être. D'accord. Alors, vous fabriquez aussi des produits cosmétiques. Vous faites quoi exactement comme produit ? Alors, notre petite gamme de produits cosmétiques est composée d'huile de massage avec, j'ai envie de citer un peu l'huile phare qui est l'huile d'arnica. On connaît tous l'arnica, c'est vraiment la plante emblématique des Hautes-Vosges. Donc, l'huile de massage pour les bleus, les bosses, etc. On a l'huile de massage au calendula, millepertuis, camomille. Nous avons quelques baumes. Donc, le baume, ce sont les huiles de massage dans lesquelles on incorpore de la cire d'abeille. Ça permet d'avoir une texture un peu plus épaisse pour des petites zones à traiter. Nous avons des sels de bain. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Et puis, récemment, on a sorti un petit produit. On appelle ça un roll-on. Vous savez, ce petit récipient avec une petite bille. Mm-hmm. Et c'est un roll-on qui est à utiliser sur les piqûres d'insectes. Voilà, c'est une petite gamme cosmétique. D'accord. Alors, est-ce que l'arnica est seulement utilisée si on a un hématome, par exemple, ou on peut l'utiliser pour autre chose ? C'est plutôt pour les traumatismes ou quelque chose comme ça ? Alors, il a vraiment 2 usages différents. Donc, l'usage sur les bleus, les bosses, les hématomes est connu traditionnellement, mais il a aussi une fonction de décontracture musculaire. Et il est souvent utilisé, je prends souvent l'exemple de l'équipe de France d'athlétisme. Alors, ils n'utilisent pas notre huile de massage de la ferme du bien-être, mais en tout cas, il est utilisé pour la préparation chez les sportifs ou en termes de récupération également. Alors vous produisez des savons aussi, vous faites quoi ? Alors les savons, ils ne sont pas fabriqués à la ferme du bien-être, D'accord. C'est un savoir-faire à part entière. Mm-hmm. On a déjà une large gamme de produits qui sont vraiment fabriqués à la ferme. Par contre, on travaille avec un artisan savonnier avec lequel on travaille depuis la création, depuis 2004, et qui était à l'époque le seul savonnier à pouvoir nous fabriquer nos savons à façon. L'idée, c'est pas d'avoir des savons, je sais pas, au lait d'ânesse, on n'est pas éleveur d'âne, donc ce serait un peu incohérent, mais c'est bien d'intégrer nos huiles essentielles et nos plantes dans les savons. Donc j'ai déjà parlé largement du sapin, bah, par exemple, on a développé notre savon au sapin, à la myrtille, de la même façon, au calendula, à l'arnica, etc. D'accord. Donc en fait, vous donnez vos huiles essentielles au savonnier et c'est lui qui fabrique le savon. C'est ça, tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que les sels de bain, ils peuvent être utilisés comme bain moussant ? Alors non, pas du tout. Hein. Le sel de bain, il a vraiment été réalisé, on l'évoquait tout à l'heure. Les huiles essentielles ne sont pas miscibles, elles ne se mélangent pas à l'eau. Du coup, on est obligé d'utiliser des subterfuges et là, en l'occurrence, bah, on utilise le sel comme support, et c'est le sel en se dissolvant dans l'eau qui va permettre la diffusion dans l'eau des huiles essentielles. Donc c'est juste un support pour la diffusion dans l'eau des huiles essentielles. Mais en aucun cas, ça, c'est moussant, ou ça n'a pas d'autre fonction que celle de diffuser les huiles essentielles dans le bain. Est-ce que c'est bon pour la peau ? Oui, bien sûr, oui. Alors, pour aller plus loin dans la recette, donc on utilise le gros sel, un gros sel qui est assez pur en fait, hein, qui nous vient directement des salines. Il est encore humide quand on le reçoit des salines de Guérande. Ce sel, on le fait sécher avec une argile qui peut être de différentes couleurs. Donc l'argile va apporter aussi un côté un petit peu purifiant, adoucissant pour la peau. Et puis les huiles essentielles. Donc oui, les sels de bain sont plutôt bons pour la peau. Et ça fait à peu près combien de grammes ? Je ne sais pas si c'est des grammes. Alors c'est en grammes et malheureusement j'ai pas le grammage en tête du tout, peut-être 80 grammes mais c'est vraiment une hypothèse, j'ai pas ça à l'esprit. Alors vous fabriquez également des baumes, et qu'est-ce que c'est ? Alors le baume, c'est vraiment une préparation cosmétique. Hein, sous le terme d'usage cosmétique, on va parler de tout ce qu'on applique sur la peau, tout ce qu'on utilise en usage externe. Et le baume, on a vraiment utilisé une huile macérée. Donc on fait infuser les fleurs d'arnica, par exemple, dans une huile végétale, en l'occurrence l'huile de sésame chez nous. Et puis pour avoir une texture plus épaisse, vous savez, le baume, c'est vraiment l'idée de cette texture, par exemple, ce qu'on peut mettre sur les lèvres en hiver ou appliquer sur la peau, sur des petites zones à traiter. Eh bien, on ajoute de la cire d'abeille avec cette huile et du coup, ça donne cette texture plus épaisse et qui se tient mieux dans le temps, si vous voulez. Est-ce qu'on peut utiliser votre baume pour des contractures musculaires, par exemple ? Alors oui, on pourrait utiliser ce baume pour les contractures musculaires. Donc là, je pense au baume à l'arnica, par exemple. Et puis, on a développé une petite spécialité aussi que je n'ai pas encore évoquée. C'est un baume qu'on appelle le baume du lynx, en référence au baume du tigre. On connaît le baume du tigre, qui est plutôt un produit asiatique. Mmh. Et nous, comme petit clin d'œil, n'ayant pas de tigre dans nos forêts, mais potentiellement des lynx, et ben on l'appelait le baume du lynx. Et effectivement, c'est un mélange un peu camphré avec de l'arnica qui pourrait tout à fait... convenir pour des petites contractures musculaires. Ah, je suis contente d'apprendre qu'il y a des lynx dans les Vosges, je ne le savais pas du tout. Bah, il semblerait. J'en ai jamais croisé. Hein. Il faut se lever de bonne heure ou être très chanceux pour en croiser, mais oui, il semblerait. Ah, ils sont très timides. Et... tant qu'ils ne voient pas l'homme, c'est mieux. Oui, c'est vrai. Vous faites aussi des lotions. Alors, vous faites quoi, du coup ? Alors, les lotions, on a tout à l'heure évoqué les boissons aux plantes. Mm-hmm. Comme un produit à usage interne qu'on avale, eh bien, les lotions, c'est l'équivalent, donc c'est un mélange d'eau florale, d'hydrolat également, mais qu'on utilise en usage externe et qui respecte la réglementation de la cosmétique pour le coup. Donc les lotions, on en a différentes, je pense à cheveux au vent pour renforcer un petit peu. Alors il faudrait me voir, je souris parce que j'ai plus beaucoup de cheveux et voilà, je fais souvent une blague par rapport à ça. On a Clair Matin aussi qui peut être utilisé en après rasage par exemple, qui est assez rafraîchissante. Voilà, plutôt orienté sur la peau de manière générale quoi. Est-ce qu'on peut les utiliser aussi pour se démaquiller ? Oui, je sais que on prépare souvent des petits kits de lotions démaquillantes. On associe une huile de massage, par exemple, à justement une eau florale, spécialement pour le démaquillage, tout à fait. Ah, c'est pareil, je ne suis pas un fin connaisseur des démaquillants. Hein. Alors, vous fabriquez également de l'argile. L'argile, ça sert à quoi ? Alors, on ne le fabrique pas, hein, on le conditionne, en fait. Ah, d'accord. voilà. L'argile, il est utilisé souvent en phytothérapie, donc de différentes façons, soit sur l'usage externe, comme adoucissant, exfoliant, etc., sur la peau. Et il peut être utilisé dans certains cas aussi en usage interne. Je sais que, par exemple, en pharmacie, on trouve des produits à base d'argile pour limiter les problèmes de diarrhée, de choses comme ça, si vous voulez. D'accord. Oui. Alors, vous faites aussi des aromates, mais des aromates, c'est quoi ? Est-ce que c'est forcément utilisé dans la cuisine ou on peut l'utiliser autrement ? Oui, alors sous le terme d'aromates, quand on parle d'ailleurs de plantes aromatiques, ce sont les plantes qu'on utilise en cuisine. Et souvent, on pense que les plantes aromatiques et les plantes médicinales, c'est deux choses différentes. Pour nous, c'est juste une histoire d'orientation. Les plantes aromatiques sont celles qu'on oriente vers la cuisine et les plantes médicinales plutôt pour le soin. Mais souvent, elles font les deux. Par exemple, le thym. C'est une plante aromatique, tout le monde en convient, tout le monde l'utilise dans la cuisine. C'est le cas du laurier, de la sauge également, de la sarriette. Mais pour autant, ces plantes sont aussi des plantes utilisées en tisane pour lutter contre certaines petites pathologies. Et oui, à la ferme, on a donc une gamme déclinée d'aromates, même certains mélanges d'aromates, mélange pour grillade, mélange pour poisson, mélange pour salade. Et c'est pareil, l'idée de ces mélanges, c'est de mélanger plusieurs plantes qui ont des arômes qu'on trouve en général avec la salade, avec le poisson ou pour faire des grillades. Voilà. Puis on peut aussi trouver les aromates seuls, par exemple la sarriette, le romarin, etc., en petits pots conditionnés, moulus déjà pour utiliser vraiment dans la cuisine. Est-ce que vous les testez pour faire des mélanges, par exemple ? Oui, bien sûr. Hein, toutes les recettes qui sont élaborées à la ferme, elles ont fait l'objet avant de tests. Alors la façon la plus simple qu'on ait, c'est déjà au sein de l'équipe de la ferme du bien-être, entre nos salariés et nous-mêmes, on se fait des petites préparations, on goûte. Après, on fait goûter à la famille en général, c'est le premier cercle qui sert de cobaye, on n'a intoxiqué personne. Jusqu'à présent, rassurez-vous. Et puis voilà, à partir du moment où on a suffisamment d'éléments pour se dire notre recette est valable, elle tient la route, etc., on peut la mettre en vente. Alors vous produisez également des sirops, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous les fabriquez ? Alors, la technique de fabrication des sirops est très simple. C'est la même que pour les sirops à base de fruits. Hein. Il s'agit de mettre, en l'occurrence, nous, c'est une plante, de l'eau et du sucre. Mmh. Voilà. Donc d'abord une infusion de la plante avec l'eau, une infusion assez rapide pour vraiment conserver les arômes et les principes actifs. Et après, on incorpore du sucre dans cette infusion. Et là, on va faire cuire un certain temps pour obtenir le sirop. C'est très très simple. D'accord. Vous proposez quoi comme différents parfums ? Alors c'est une petite gamme, hein. On n'a pas développé, on pourrait faire beaucoup plus si vous voulez, parce que chaque plante pourrait constituer un sirop. Après, nous, on a décidé de faire un sirop de bouillon blanc. Le bouillon blanc, c'est une fleur qu'on récolte en été, traditionnellement qui était utilisée pour les petites, quand ça gratte dans la gorge un peu ou que les branches sont encombrées. On a décidé de faire un sirop menthe et sauge, plutôt un sirop un peu digestif si vous voulez, assez frais. On a un sirop de cynorhodon, le fameux cynorhodon, le gratte-cul en question. J'adore le nom. Voilà, qui est conçu et qui est souvent, on en parle souvent dans la littérature pour sa forte teneur en vitamine C, même après la cuisson. On a observé plusieurs expériences qui ont été menées pour savoir si la vitamine C était conservée malgré la cuisson, et effectivement. Donc voilà, c'est plutôt un sirop riche en vitamines. Il doit m'en manquer. On a développé un sirop d'agastache, ça c'est une plante qui est plus anisée. Et puis un sirop de monarde également, j'ai parlé de la monarde tout à l'heure. Une plante, il faut vraiment, j'ai pas de comparaison pour vous dire à quoi ça ressemble. Mais par contre, j'invite les auditeurs à venir découvrir le produit à la ferme, évidemment. Est-ce qu'on peut retrouver vos produits qu'à la ferme, justement ? Alors, l'idée pour nous, c'est vraiment la vente directe. On a basé tout notre système de commercialisation, ou une grosse partie de notre système de commercialisation, sur l'ouverture du magasin et la vente de produits au magasin. Après, on a quelques points de dépôt, mais que je maîtrise assez mal. On a créé, il y a quelque temps, la SCIC Esprit Vosges, avec d'autres producteurs. Et cette société diffuse nos produits dans un cercle un peu plus large que notre propre... environnement, donc potentiellement on peut trouver nos produits à Nancy en épicerie fine ou en magasin bio, peut-être à Strasbourg, etc. Mais je ne saurais pas vous dire dans quel point. Après voilà, localement, moi j'invite les auditeurs à venir vraiment chez nous. C'est là que vous avez la possibilité de découvrir toute notre gamme et puis aussi et surtout toute l'information, tout ce qui fait notre produit, parce qu'on a depuis le magasin, on voit notre alambic. Donc en période d'hiver, on le voit fonctionner, donc on comprend vraiment, on peut même avoir une petite explication. On voit nos labos de transformation, puis on a pas mal documenté un peu sur notre métier. Donc c'est vraiment intéressant de venir chez nous directement, quoi. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les marchés aussi ? Alors assez peu, on a fait le choix d'être présent sur quelques marchés spécifiques. Je pense notamment à deux marchés locaux. La fête de la bio qui a lieu au 14 juillet en général, qui a toujours eu lieu depuis 3 ans chez nous à la ferme du bien-être. Mm-hmm. Donc là, évidemment, on ouvre les portes, etc. Il y a la fête des plantes qui a lieu au Haut du Taux. C'est pareil, qui est une super manifestation. On retrouve tous les producteurs de plantes du massif. En général, c'est aux environs du 15 août. Mm-hmm. Et puis nous, on fait un petit marché de Noël à Neubrisac sur la partie alsacienne. Et puis une fête des plantes également à l'abbaye d'Autray, dans le secteur de Rambervillers, qui a lieu courant mai. Voilà, on se cantonne à peu d'événements extérieurs. Mm-hmm. L'idée étant d'être présent chez nous, dans les murs, à la ferme du bien-être. Alors justement, est-ce qu'on peut la visiter, la ferme du bien-être ? Alors oui, on peut visiter la ferme, j'ai envie de dire librement, avec les quelques informations qu'on trouve dans le magasin et ce qui est visible depuis le magasin. Mm-hmm. Après, il faut que la personne qui soit au magasin soit disponible si vous avez quelques questions. Si pour autant vous avez envie de découvrir vraiment la ferme, l'envers du décor, bien je réalise des visites, mais à condition d'être au minimum 10 personnes. Et puis c'est une prestation qui est payante parce que je passe une heure et demie avec le groupe pour vraiment vous montrer la réalité de notre métier. C'est très demandé en ce moment. J'accueille très régulièrement, toutes les semaines, des groupes, autant de la formation agricole que des personnes retraitées. Enfin, peu importe le public, ce qui compte, c'est l'intérêt pour notre profession. Et voilà, c'est vraiment une occasion unique de découvrir ce qui fait la réalité des producteurs de plantes aromatiques et médicinales dans les Vosges. Est-ce qu'il faut réserver pour visiter la ferme ? Oui, bien sûr. On communique par mail pas mal. Vous trouvez les coordonnées sur notre site internet. On a un site, la ferme du bien-être. Vous tapez la ferme du bien-être Vosges, vous tomberez sur notre site. Et puis une adresse mail que je peux peut-être donner. Oui, bien sûr. Donc c'est ferme du bien-être, tout attaché, en minuscule, sans accent, 88400@orange.fr. Et voilà, de ce fait, vous demandez si la visite est possible, on s'organise, on planifie ça, et il y a de fortes chances pour que ça ait lieu. Est-ce qu'on peut vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux ? Alors, assez peu. C'est vrai que Malheureusement, au sein de notre équipe, on n'est pas très efficace sur les réseaux sociaux. Et même on le revendique un petit peu, si vous voulez. Mm-hmm. On aime le bouche à oreille, on aime le contact entre les gens, vraiment, et assez peu le virtuel. Et du coup, on a assez peu de compétences en la matière. Donc non, assez peu présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des projets futurs avec la ferme du bien-être ? On a toujours beaucoup de projets. Mais je pense que le principal, c'est pas un projet, mais c'est maintenir cet outil de travail qui est formidable. On a la chance d'avoir cet outil Ferme du Bien-être qui est très fonctionnel, qui est très performant aujourd'hui. Et c'est malgré les aléas de la vie, je pense au Covid, à plein d'événements qui ont un peu marqué notre histoire, bah c'est de maintenir cet outil de travail à flot, de pérenniser aussi les postes qu'on propose. On a 4 salariés et on est en train de pérenniser 2 CDI. Voilà, c'est les projets concrets qu'on peut avoir. C'est pas tant en termes de développement de produits, mais c'est plutôt dans la pérennisation de l'outil de travail tel qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Nicolas ? Bah, de continuer à exercer le métier qu'on aime, parce que c'est vrai que c'est un métier passion, et qu'on est très content de pouvoir en parler. C'est pour ça aussi que je suis content de pouvoir m'exprimer ici à la radio. Et voilà, on a envie de le partager, on a envie de continuer de vivre de cette passion que sont les plantes aromatiques et médicinales. Et malheureusement, le temps de se quitter. Nicolas, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous reviendrez nous voir. Avec plaisir. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura. Bye tout le monde.